Le 6 juillet, le porte-parole du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a publié une déclaration. En voici le résumé. Les États-Unis, les autorités sud-coréennes et autres forces hostiles trompent l'opinion de l'intérieur et de l'extérieur en prétendant toujours que notre nucléaire est la menace sur la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde et que la dénucléarisation du Nord doit précéder la solution de tout problème. Ils refusent notre projet constructif de remplacer l'accord d'armistice entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis par un accord de paix, en exigeant absurdement l'abandon préalable du nucléaire du Nord et opposent ouvertement la dénucléarisation du Nord à nos projets sincères et à nos efforts pour le dialogue en vue de l'amélioration des rapports Nord-Sud et de la réunification de la patrie. C'est que les États-Unis et la bande de Park Geun-hye parlent bruyamment de la menace du nucléaire du Nord parce qu'ils sont mécontents de ne plus brandir le bâton nucléaire comme ils veulent devant notre puissante dissuasion nucléaire. Les États-Unis cherchent à réaliser à tout prix leur ambition d'agression contre notre République par leur supériorité nucléaire, tandis que les fantoches sud-coréens les suivent aveuglément. Au lieu de parler unilatéralement de la dénucléarisation du Nord, tout en affichant dérisoirement notre menace nucléaire et notre provocation, ils doivent choisir de dénouer eux-mêmes le nœud nucléaire qu'ils ont formé. Si les États-Unis et les autorités sud-coréennes s'intéressent à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ils sont tenus d'abord de répondre à nos exigences de principe. Premièrement, il faut étaler sur la place publique les armements nucléaires des États-Unis qui sont introduits en Corée du Sud et qui ne sont reconnus ni déniés. Deuxièmement, il faut retirer toutes les armes nucléaires et démanteler leurs bases en Corée du Sud avant d'être soumis à la vérification devant le monde entier. Troisièmement, il faut promettre de ne plus introduire les moyens de frappe nucléaire que les États-Unis déploient en tout temps dans la péninsule coréenne et à ses environs. Quatrièmement, il faut s'engager à ne pas nous menacer en aucun cas par le nucléaire et les actes de guerre accompagnés du nucléaire et à ne pas utiliser le nucléaire contre notre République. Cinquièmement, il faut proclamer le retrait des troupes américaines qui ont le droit d'usage du nucléaire en Corée du Sud. Si les États-Unis et les autorités sud-coréennes s'intéressent vraiment à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, à un monde sans armes nucléaires, à un monde paisible, il n'y aura aucune raison de ne pas accepter notre demande juste. Si une telle garantie de sécurité est assurée réellement, nous prendrons des mesures correspondantes et une percée décisive sera ouverte pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous profitons de cette occasion pour conseiller aux gouvernants sud-coréens, y compris Park Geun-hye, de bien voir la réalité et de ne plus recourir avec leurs suzerains à la ruse pour leur survie, sous prétexte de la dénucléarisation du Nord. Qu'ils sachent que notre nucléaire sera renforcé avec le temps sur les plans qualitatifs et quantitatifs et que sa puissance sera au-delà de l'imagination s'ils n'acceptent pas notre demande de principe. La dénucléarisation de la péninsule coréenne dépend absolument de l'attitude et de l'action des États-Unis et des autorités sud-coréennes.